On t'arrête jusqu'à nous, ma belle illusion si distinctive. La pianiste parle la chose, tu pousses la note et on se colle au truc. Aujourd'hui, le lundi 3 octobre 2022, monte le volume et hume la différence, car c'est parti mon kiki. Enregistré au studio des Abeilles dans la vieille capitale et diffusé sur CKRL le 89.1 à Québec, la plus vieille radio communautaire francophone au monde vous propose Errance Rénadienne, une émission baroque et désinvolte. Et voici la bain-fumineuse, le farfadet du surréalisme, le clown le plus imprévisible dans le cercle médiatique actuel, Rénald Gagné! Je vous propose une capsule métal avec un groupe québécois, Metalhard, et ils ont deux albums à leur actif. Ils ont fait la première partie du groupe Metallica en 2017, si je ne m'abuse, et voici la première chanson de leur deuxième disque, Shelter. Alors le groupe métal de la ville de Québec, Metalhard. À vous les amis! Fear. cacheurs de noces. Épouvantail d'abrubus, maître de chiens, desquels j'ai hérité de tout et de rien. Je viens d'une longue lignée d'ivrognes, de rongeurs de freins, de tout sexe. Seigneur de château renversé, cher à des dalles, desquels j'ai hérité de tout et que dalle. Tout, tout, que dalle. Le plus récent opus de notre ami Bertrand Belin. Un disque minimaliste comme je les aime. Et vous aussi, je vous aime, public en délire, on y va. Ouais! Merci. Quel bel accueil. Je sens le succès ce soir. Nous sommes devant une des meilleures émissions. Préparez-vous à tout. L'errance reynaldienne se dessine. Alors, pour dessiner, pas besoin de crayon. Uniquement une surface écranique intellectuelle. Si vous n'en avez pas, pas de problème. Nous avons le tout. Soyez disponibles. Tout simplement ça. La disponibilité, comment elle s'acquiert, comment on peut l'avoir, l'attraper, oui, exactement, la faire vibrer, ben c'est tout simple. L'abandon. Alors, comment s'abandonner? Ah, que de questions, mes amis! Vive la curiosité! C'est un beau signe d'intelligence! Ah, l'intelligence! Ah, mon doux Seigneur! Ça, c'est pas comme... pas une vinaigrette, mais c'est pas comme... des épices. Non. L'intelligence, c'est à nous de la cultiver. C'est à nous. Parce que là, faut faire attention. Il y a la culture et l'intelligence. Mais qu'est-ce que l'intelligence, Mme Thibodeau? Là est la question. Certains diront C'est quelque chose qui ressemble à la matière grise. L'intelligence se travaille un peu comme une maison. Mais comment fonder les assises? Ah! Ça part de tous les assises. Hein? Les assises, ça part de tout. Les racines. Les racines, c'est l'enfance. Avant deux heures et demie, tout se prépare. Ah oui. C'est pas comme un film de Woody Allen qui dure 90 minutes, là. Ah non. C'est comme le film Shoah, qui a une durée de 8 heures et qui retrace le génocide hitlérien. Mais là, c'est pas de cela dont il est question. C'est tout simplement de parler de quelque chose de très, très, très facile à saisir. C'est l'intelligence. Bon. Plus t'en as, plus tu peux y aller avec plaisir. Et moins t'en as, plus tu l'étales. Mes réfractaires diront, c'est pas comme le beurre d'arachide. Ça, quand il y en a plus, il y en a plus. D'autres iront dans ce sentier que j'admire. Nous nous abreuvons à tes lèvres. Merci d'abreuver, monsieur, madame, mademoiselle. Abreuver. Mais j'espère que la substance qu'il y aura au bout sera enrichissante, pourra amener quelque chose d'intéressant et surtout, et ça c'est important, de nouveau. Arrêtez de remâcher la même affaire, là. T'sais, une gomme, là, une fois que tu l'as chiquée, je sais que les gens qui usent leurs dentiers à mâcher de la gomme, mais il y en a d'autres, là, qui sont tellement... Approchez-vous, je peux pas parler trop fort. Il y en a qui sont radins, tellement radins, qui le lundi, aujourd'hui, là, mâche une gomme, une nouvelle gomme, tu sais, il défond l'emballage, la porte à la bouche et commence à chiquer. Une fois qu'il en aura le bol de chiquer, là, il le remet dans l'emballage. Et le lendemain, à la même heure ou presque, ils reprennent la même stratégie, c'est qu'ils chiquent à nouveau. Ils gardent ça pendant toute la semaine. C'est bourré de virus et puis c'est... Bon, vous allez vous dire, c'est votre propre salive, oui. Bon, j'ai rien encore. Mais ça pue de goût, là. Une gomme après 2 heures, là, bien beau qu'elle soit super efficace, super goûteuse, super mentholée, super fruitée, super n'importe quoi, à un moment donné, elle perd de son super et elle devient neutre. Comment perd-on son super? Ah, ben moi, j'ai un super soutif, là. Hein? Comment je le perds, je ne sais pas. Parce qu'il n'est pas en tissu. Il est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il est quoi? Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'est pas. Il n'était pas. Non, il n'est pas. Il n'est pas. Il est peint. Peint. Peinture. Il est peint. Oh! Il est peinturé. Il est peint. Il est peint par un grand peintre. Ben oui, normalement, quand c'est peinturé, c'est par quelqu'un qui fait de la peinture. Non, pas nécessairement. On peut l'appeler un novice. Un hurluberlu, un pseudo-artiste, quoique les pseudo-artistes peuvent devenir des artistes. Alors donc, mes chers amis, on m'a peint quelque chose qui ressemble à un soutif. En noir, bien sûr, c'est mon ton préféré, le noir. Ma couleur, c'est... rapidement comme ça, là, si j'étais une couleur. Ça, c'est comme les questions de Ronald Gagné, les 10 questions, là. Hein? Si tu étais un liquide, si vous les connaissez? On va l'entendre au courant de... Oui, aujourd'hui, est-ce que c'est la dernière? Je ne sais pas de l'inviter. J'en ai aucune idée. Mais peu importe. On se demande tout le temps. Non, on va répondre à la question. La couleur vite de même, là. Je me mets à la place d'un artiste qui se fait poser des questions, comme moi je le fais. OK? Je vais jouer à Ronald Gagné et à l'artiste. OK? Ronald Gagné pose la question. Si tu étais une couleur, Oh, bonne question, Morénal. Bonne question. Si j'étais une couleur, aujourd'hui, parce que si tu me la reposes dans un an, ce sera autre chose, là. Mais il y a toujours la même image, la même couleur qui m'arrive, c'est le bleu. Parce que les yeux bleus, ben je vais t'expliquer pourquoi, même si tu me la poses pas. Non, j'allais enchaîner, alors j'enchaîne moi-même. Je t'enchaîne, mon beau Rénal, je t'enchaîne parce que j'adore ton émission, bravo, c'est intelligent. On sent quand même là, hein, le travail de l'artiste, quelque chose qui veut sortir de l'ordinaire, loin des sentiers rabattus et battus et temporellement hors normes. Là. Tu es la nouvelle coqueluche des temps modernes. Mais en tout cas, je ne veux pas non plus exagérer, là, il y en a qui diront « Oh, c'est tolérable. C'est tolérable. » Tous les gens qui disent que c'est tolérable, en tôle ce monde-là, on va les mettre en tôle, on va les placer en tôle. Et voyons donc, ils disent n'importe quoi que j'haïs. En plus, je voulais pas, j'aime pas ça le dire, ce mot-là, n'importe quoi, ce terme-là, n'importe quoi. Et vous savez pourquoi? Pour tous les autres, les auditeurs qui m'écoutaient régulièrement, soit en balado-diffusion ou en direct, vous êtes en direct, parfait, écrivez-moi à renalquebec@commercial.com. Renal, comment ça s'écrit? R-A-Y-N-A-L-D. Québec, Q-U-E-B-E-C, @commercial.com. Je réponds à tous les courriels. J'en ai des centaines et des centaines à chaque année. J'allais dire à chaque jour. Oh, des centaines à chaque jour. Tu sais, je veux dire franchement, là, entre nous, là, tout va bien. Hein? Nous sommes le 3 octobre avec la liaison. Et puis surtout que on commence un autre mois, le mois d'octobre. Ça va vite. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Je dis ça souvent, mais ça fait longtemps que je ne l'avais pas placé, celle-là. Le temps passe et trépasse dans un monde d'angoisse. Je disais aussi que à l'époque où j'étais d'époque, ça, je dis, ça a fait mon succès. À l'époque où j'étais d'époque. Nous vivons une époque, comme disait Léo Ferré. Ah mon Dieu, c'est dans la chanson La solitude. Vous allez l'entendre? C'est pas. Malheureusement. Non, c'est pas. Dans l'horaire. Non, l'horaire est très strict. Très strict. On ne peut pas déroger. On peut pas déroger, même si on demande à comment qu'il s'appelle, donc, déroger. Y en a-tu dérogé dans le monde? Ah, mon Dieu! Il y a Roger Giguère qui nous a quittés, qui faisait notre ami Monsieur Tranquille, pour les gens qui connaissent. Là, c'est sûr que si tu es un Parisien, Monsieur Tranquille, si tu es un Belge, Monsieur Tranquille, si tu es un Africain, Monsieur Tranquille, c'est qui Monsieur Tranquille? Ben, c'était une émission pour enfants avec Patoff. Puis après ça, c'est devenu autre chose, là, avec Patoff. Et puis, c'est un bougon, un chialeux. Au Québec, on appelle ça un vieux chialeux, tu sais. Il prenait les mouches pour pas grand-chose. Les mouches, les abeilles, les papillons de soie. Ça va de soie. Ensuite, les hélicoptères. Il se prenait pour King Kong, lui. Il montait en haut de son ignorance, M. Tranquille, mais il était rigolo, là. Et puis, il voulait attraper ce qui bougeait. Mais il y avait des réflexions assez fortes, assez lourdes de sens, qui a bien sûr... M. Tranquille a fait pencher beaucoup d'intellectuels de gauche au Québec, dans les universités McGill, Laval, ensuite de ça, Concordia, tu sais, à Montréal, non, moi, je ne j'ai jamais fréquenté l'université Concordia, ni McGill. Moi, c'est l'Université de Laval, parce que je suis un Québécois de Québec, de Laval. Mais pas de Laval, mais de l'Université de Laval. Oh, quelle année, madame? Ah, mon, vous êtes une curieuse, c'est bon, ça, j'aime ça. 89, à peu près. J'ai embrassé le 89, le 90, j'ai embrassé, oh, mon, qu'est-ce que j'ai embrassé dans ma vie à l'université? Bien des choses, la réussite, quelquefois. Les échecs, j'en ai pas peur. Parce que quand tu as des idées, moi, je vais vous dire, j'étais création littéraire, philosophie, cinéma. Et puis après ça, j'ai fait hors bac psychologie, quelques cours. La dame a dit, ah, c'est quoi ça, psychologie, quelques cours? C'est nouveau? Non, c'est quelques cours de psychologie. Puis on avait abandonné Freud, hein, à l'époque, à l'université. Là. C'était la fin de Freud. On ouvrait beaucoup plus les portes, peut-être pas de, comment dire, de l'inconscient, le surmoi et le moi, mais on voulait tâtonner un peu plus la psychologie universelle. Qu'est-ce que la psychologie universelle? Ah! Là est la question! Et il n'y aura pas de réponse ce soir, parce que ça peut être long, puis je ne suis pas un professeur de psychologie. Ce n'est pas dit, le sort n'est pas jeté. Prière de prévoir la paix de mes nerfs. Prière, prière. Parole de primate, parole de blatte. Prière de prévoir la paix de mes nerfs. Prière, prière, à hauteur d'atome, à hauteur de fantôme, à longueur d'angélus, à longueur de phallus, je la cherche par terre, je la cherche au fond des rivières. Comme on chercherait de l'or, la paix de mes morts. Alléluia. À hauteur du thermite, de parabole en parabole, de rite en rite, de rumeur en rumeur, je la cherche au ciel, je la cherche au fond des rivières, comme on chercherait de l'or, la paix de mes morts. Toujours le dernier opus de monsieur Bertrand Belin. Sinon, ça... Oui. Ah, j'entends crier une autre. Ah, pourquoi pas, ça nous fait plaisir, hein? Ah, c'est merveilleux. C'est vraiment un disque à se procurer. Parce que les oreilles en raffolent. Mais là, maintenant, là, vous sentez que c'est plus... C'est plus ça. On est ailleurs. Parfait. On peut danser. Sentez-vous que j'essaie de... Bertrand, excuse-moi. Je vous ai leurré, hein? Vous pensez que c'était plus Bertrand Belin? Faut pas écouter tout le monde. Dans la vie, on se fait avoir, puis on voudrait pas. Attendez un petit peu. Prenez, on va faire un 15 secondes de réflexion. Pourquoi je me suis fait avoir? OK, on va réfléchir là-dessus pendant 15 secondes. On peut pas faire 15 secondes. Parce que c'est long à la radio, 15 secondes. Pas de musique, pas de propos, mais de silence. Saviez-vous que dans les radios commerciales, on peut pas couper plus longtemps que, je crois, 4-5 secondes. Il y a toujours quelque chose qui va partir. Si l'animateur s'arrête, peut-être une pub, peut-être la météo, parce que ça, son fort, c'est la météo dans la radio commerciale. Oh, Saint-Bernard. Moi, je veux pas savoir c'est le temps qu'il fait, là. J'ai juste à m'étirer le cou et à regarder. Puis si je reste dans un sous-sol, c'est parce que je veux pas savoir ce qui se passe dehors. Je veux être chez moi, tranquille, dans mon cocon. Le cocon. Bon, je sais qu'on me traite de cocon, mais j'aime ça, moi, rester seul dans ma noirceur. Je suis à la hauteur de mes réflexions, de mon écriture, de ma création, parce que pour créer, mais c'est pas tout le monde qui sont comme ça, mais en tout cas, quelques-uns d'entre nous, mais même, je suis pas toujours là-dessus, moi, là, ça... Moi, je suis flexible. Oui, non, mais pas physiquement. Hein. Oh, mon doux Seigneur. Comme chantait Léo, la chanteuse Léo. On est loin de Léo avec Léo. Quoique, elle a rendu hommage à Jacques Prévert il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps. Et puis, après ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Non, elle... elle a fait une chanson qui s'appelle Banana Split. La connaissez-vous? On ne peut pas la faire jouer non plus. Elle n'est pas programmée. Si tu n'es pas programmée, ma championne, là, tu ne peux pas être diffusée. Hein? Nous autres, on va te dire qu'on fait de la radio, là, de la grosse radio. On est assez cohérent. Première radio communautaire francophone au monde. On n'est pas n'importe. On diffuse pas n'importe quoi. Ce qu'on aime, on l'aime. Ce qu'on n'aime pas, on n'en parle pas. On veut pas blesser personne. On est comme ça. Nous sommes dans l'universel. Êtes-vous dans l'universel? Pour être dans l'universel, faut être unifié à l'ensemble du tout. Et le tout, c'est pas évident. Parce que chercher le tout dans un environnement de rien, c'est difficile à cerner, c'est difficile à trouver, c'est difficile à comprendre aussi. Parce que la compréhension dans l'absurde n'a pas toujours la même réflexion que dans le concret. On peut dire comme ça en lançant une bouteille à la mer que un est bleu font ciel. Que deux et orange font fruité. Ou même autre chose encore de beaucoup plus irrévérencieux, mais dans l'absurde, il n'y a pas d'irrévérence. Le temps et l'argent ne ramassent rien. Ça, c'est comme là une discussion, l'écriture automatique. Mais là, c'est un discours automatique. Quoique, c'est pas ça le discours automatique. C'est de ne pas penser avec des... ne pas réfléchir, parce que penser, on ne pense pas. Il y a quelques penseurs dans le monde, et j'en fais pas partie. Il n'y a pas grand monde ici qui en font partie. Donc, je veux pas... Madame, je ne veux pas... Non. Vous êtes intelligente, mais penser et réfléchir, c'est pas la même chose. Je suis strict là-dessus. Et ça n'enlève rien à votre intelligence. Parce que réfléchir, et penser, on peut vous envoyer dans des définitions, on y va. Penser et réfléchir. Là est la question. Devant le miroir, je réfléchis. Mon corps. Donc, je me vois à travers le miroir. Donc, quand on dit « je réfléchis », on prend des idées des autres et on les modèle peut-être à notre manière, mais c'est déjà là. C'est comme un livre à la bibliothèque. Quand tu lis le livre, c'est pas toi qui l'as écrit. Mais tu peux garder quelques citations, même pas des citations, c'est des réflexions du livre ou des inspirations. Mais c'est pas toi qui écris le livre. Donc, on ne réfléchit pas, mais on pense. J'ai-tu raison, moi, là? Je suis en train de me dédier, est-ce que c'est ça que je disais il y a 15 ans? Eh mon Dieu, on va demander, parce que là, j'ai des gens qui travaillent à des archivistes. Ah, c'est des archivistes à Errance canadienne, mais qui travaillent sur mon cas. Méchant cas, il y en a qui ont quitté. Il y en a qui voulaient porter plainte parce que c'était de la cruauté psychologique, de la cruauté intellectuelle envers leur intelligence. Et ils ont tout à fait raison parce que comment se pencher quand on a de la difficulté à se lasser les souliers. On se lasse si on n'arrive pas au but. Et le but, c'est pas nécessairement de gagner. Le but, c'est de participer. Même si tu gagnes pas, on s'en balance. On a-tu du plaisir? Hein, Madame Thibodeau? Oui! Oh! Là, on peut danser. Là, c'est le temps. Attention à votre hernie. À votre bande de balago. Bande de balago. Bago. Dago. On y va. Bertrand Balin, c'est à toi. Il me faudra des dieux de mythe. Idole, alcool, babiole, rite. Mais il me faudra des babiole. Sans les oiseaux dans le ciel, hirondelles sous les toits dans leur niche. Quatre marabouts, quatre derviches. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Il me faut une sœur pour me faire un couteau. Divers, bibelot, pied de biche, trémolo, asticot. Il me faut une sœur pour me faire un couteau. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, un arbre ou un poteau, de quoi me tenir en attendant Godot, une encoche au cul de mes flèches, si je dois casser ma pipe. Il me faudra deux doigts pour ma sèche, une main pour ma mèche, goûter la pénombre. C'est ma pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, car ceci est une pipe. Une pipe, une pipe. La force de Belin, c'est qu'il s'en va même dans la peinture. Puis il joue avec la pipe. Tu sais, ceci n'est pas une pipe. La connaissez-vous, la Belge? Ben, c'est pas Jacques Brel, en tout cas. Qu'est-ce qu'il disait, là? Ah oui! Il faut que je vous raconte l'histoire de Sandra qui se prenait pour la comédienne. Burlock. C'était loin d'être Burlock, c'était Sandra Tremblay, de Chicoutimi qui m'a envoyé un message. Il dit « Ah, oh, je suis une actrice, puis je comprends pas pourquoi vous partez à Paris pour faire des rencontres quand il y a du bon monde qui veulent percer, puis que vous arrivez même pas à vous rendre où on habite. » Mais je dis « Ouais, madame, écoutez-moi, là, je m'en vais là-bas parce que, de un, je veux m'évader. » Là, elle dit « Ben oui, mais on peut se voir à Chicoutimi ou à Valleyfield ou en Abitibi-Témiscamingue, peu importe, mais restez au Québec, madame. » Bon, si je m'en vais là-bas, c'est pour plusieurs raisons. De un, je suis un francophone. « Ben oui, mais à Québec, madame. » Non, mais quand on prend le pompon, hein, puis on veut l'arracher, il faut se reculer en disant les mêmes mots. Bachung était bon là-dedans. On appelle ça, mais j'appelle ça, moi, parce que ça n'a pas été validé par les grands. C'est pas des gens, c'est pas au niveau de la taille, là, mais des grands intellectuels. Les penseurs, les libres penseurs. Ah, on appelle ça des libres penseurs. J'aime ça. Moi, là, tous les libres penseurs, je les aime. Quoique, il faut faire attention, parce qu'ils sont pas tous de gauche. Il y en a qui sont extrémistes de droite. Mais quoique, quand tu es dans l'extrême, droite ou gauche, on se donne la main. Là. Je m'inclus là-dedans. Là. Faut que je fasse attention parce que l'extrême gauche, hein, peut voir le doigt de l'extrême droite. J'en ai pas loin. Puis moi qui suis, comme disait Claude Nougaro, dans Bidonville, j'en ai parlé il y a quelque temps. Parce que là, on dirait que je vis un moment Nougaro. J'ai des phases comme ça. La dernière phase, c'était quoi? Ah, c'était Étienne Dao. J'ai vécu une... C'est quoi ça, fait que? Mais non, c'est pas très, très... Tu vois jamais une émission culturelle, règle générale, où celui qui est invité, disons un poète, va dire exactement, j'ai écrit mon livre Outre-tombe à l'hôpital lorsque j'étais, bien sûr, en soins palliatifs, et j'ai, grâce aux mots, ressuscité des mots pour venir jusqu'à vous. Fait que là, faut pas. Non, hein, voilà. Quand il dit le fait que, on sent qu'il tourne vers le populisme, vers quelque chose qui est plus intellectuel, mais beaucoup plus rassembleur du peuple en général. Ça veut dire populisme, c'est le dire deux fois, mais d'une manière différente, avec plus de mots, avec moins de moyens. Il y en a-tu qui manquent de moyens? Mais quand tu manques de moyens dans la création, parce qu'on vient dans la création, ça te donne des idées, et les idées peuvent être plus fortes que de l'argent qui pourrait étouffer ton idée par des bonus, par des farandoles, par des subtilités, extrémistes, qui risquent d'étouffer ton propos premier. Donc, moins tu as d'argent, plus tu cherches à passer le message, mais autrement, avec les moyens que tu as. Je parle de chanson, je parle pas de chanson, mais il y a des chanteurs, chanteuses qui travaillent à compte d'auteurs, donc qui font leur propre disque et puis tout ça. Puis ils disent « Ah, moi j'en ai ras-le-bol, là, puis c'est pas facile. » Oui, mais écoute, ça donne un son. Aujourd'hui, on peut faire un album maison avec un son professionnel. Pas besoin de se rendre là, chez Virgin, chez Warner Brothers, puis RCA Victor, t'es vieux Montréal, on va être ça avec le chien devant le cornet. T'sais, en haut, il veut entendre, mais là, t'sais, il est comme englobé par le cornet. Hey, puis saviez-vous, là, puis ça c'est intéressant de savoir ça. Au début des disques, là, il pensait comme bon, on va aller court là, en racontant qu'il y avait des cylindres et tout ça. Mais à un moment donné, il n'y avait pas de ruban. Là. On plaçait des, je sais pas comment on appelle ça, là, un appareil phono là, pour enregistrer. Mais exemple, si tu voulais faire 5 disques, tu plaçais 5 phono qui enregistraient sur le disque directement. Fait que si tu voulais faire, je sais pas, là, 5 disques, donc 50 disques, tu peux mettre autant de phono, mais on va dire 5 disques, 5 phono, OK? 5 phono, 5 disques. Alors, tu demandais au chanteur de chanter La Dame en bleu. Je suis amoureux, là, c'est merveilleux, de La Dame en bleu. Ça, c'est la première fois qu'il chante. Mais comme on lui demande d'en faire 50 dans la même journée, alors on lui dit que tu dois la chanter 10 fois parce qu'on a 5 graveurs. Donc, 5 disques, 5 graveurs. Et puis, donc, à la fin, là, la 10e chanson de La Dame en bleu, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi puissant, là. Je suis amoureux! Ça ressemble un peu à Éric Lapointe, là, ou à un chanteur granuleux comme Garou, hein? C'est pas comme au début. C'est pas clair et subtil. C'est gras et synthétique. On recommence? C'est gras et synthétique. On n'est plus dans comédie musicale, là? Oh mon Dieu, c'est... Oh non, on est dans Bleue Nuit. Bleue Nuit? C'est sensuellement auditif? Ah mon Dieu, je suis pas prêt à ça, moi, là. J'ai pas fini ma performance. Non. Vraiment, ramène-nous des performances, s'il te plaît. Merci. Que Dieu te bénisse. Oh, ça va. Est-ce que le toucher, question d'examen sans doute, est-ce que le toucher, c'est une question de bac, c'est pas Beethoven, ça, que, non, le bac à l'université, ah mon loup. J'avais une bonne question. Ah oui, est-ce que le toucher peut être autrement que physique? Par exemple, un toucher intellectuel, un toucher... quand il fait « ça veut dire qu'il réfléchit, ce gars-là. Ça veut dire qu'il pompe l'huile. Non, moi j'ai pas d'huile, moi. Moi, je suis électrique. Très nocif, l'électricité, hein. Même si on vous dit « allez dans l'électricité », attention, bémol. Plus mamol que bébé. Mon bébé, ne sois pas moumou. Mets tes pantalons. Moi, j'aime bien ça, ma petite robe, là. Parce que ça me rejoint un peu plus dans ma spécificité en tant qu'Écossais. Parce que moi, j'étais un Écossais. Un Écossais d'Écosse, pas un Écossais de Limoilou, là. Parce que je connais les Écossais de Limoilou. Ils sont merveilleux. Hein? Ils veulent nous donner le pion, là. Ils veulent nous piétonnier. Piétonnier? On passe à travers les rues, nous autres, on n'est pas piétonniers, on est original. Puis il faut faire attention parce que c'est la chasse, là. C'est la chasse aux originaux. Oh, là, les médias veulent avoir des gens qui ont des choses à dire, mais dans des circuits autrement que ceux que l'on connaît actuellement. Ils se promènent avec leur micro, hein, leur photographie, leur appareil photo, leur caméra, tout ça, leur crayon, leur papier, puis ils veulent trouver l'être qui risque de faire la semaine pendant au moins 3-4 semaines, un mois. Ah, s'il y a des choses à dire, un mois et demi, puis si ça va mieux, là, une saison, ah mon doux, avec ou sans Vivaldi, où s'en va la saison? Là est la question. Après deux saisons, c'est quelle saison? L'été, l'automne, le printemps, l'hiver, on ne sait plus. Les saisons. Où sont les saisons? Où s'en vont les saisons? Aurons-nous des saisons encore dans les années à venir? Pas les semaines, mais dans les années à venir. À cause de bien des choses, monsieur, le réchauffement mimamique. On sait bien qu'on dit climatique, mais c'est mimamique. Pour ceux qui ont des maîtrises, particulières. On va dire ça de même. Des maîtrises particulières par des gens particuliers, hein, des professeurs particuliers, parce qu'ils sont hors normes. Moi, je suis un professeur, là, et bien, j'enseigne autrement. Michel Leb, en passant, il faut pas se dire, enlève le « hey », c'est incongru, puis c'est pas bien mis. Faut dire pardon, ta chère amie, j'ai quelque chose à vous divulguer. Michel Leb était professeur de philosophie, puis ils l'ont mis dehors de son... Je pense qu'il était au lycée, je sais pas, ça veut dire au secondaire, mais il y avait une vision un peu extraordinaire de donner des cours de philo. Il faisait des bandes dessinées, puis il faisait parler Aristote, Socrate, Luc Plamondon, puis ah oui, Luc Plamondon disait « Je suis dans la grotte et je resterai dans la grotte si on ne dit pas que mes chansons viennent de moi! » Fait qu'on a mis un petit mur, là, puis on a dit « Luc, écoute-moi mon Luc, calme-toi, Luc. » Luc, là, on t'a amené, parce que t'es un créateur extraordinaire, t'es un parolier hors norme, on t'a amené une bonne bouteille de Poitiers-Chandon, de Veuve Clicquot, on a eu les moyens, Veuve Clicquot, puis on va trouver ça, mais la, oui, c'est la première fois qu'on va l'ouvrir. C'est intéressant, quand t'entends, pouf! Non, c'est pas un fusil. Non, Luc, couche-toi pas à terre, là, c'est pas un fusil, c'est le bouchon de liège qui pète. C'est comme ton intelligence, pouf, ça part de partout, c'est comme du mail soufflé. Hein, pouf. Ah mon Dieu, quand t'as écrit la chanson, là, dans ma Camaro, dans mon soleil, ça pétait partout. Et puis, t'as fait des chansons pour Julien Clerc. Ah, l'enfant au Walkman. Ah, mon Dieu, pas besoin d'aller à l'école. Si on l'école, l'enfant au Walkman. Puis, t'as fait des affaires, mais encore. Hein. c'est pas électrique, c'est synthétique. C'est lui qui... Ben oui, c'est pas électrique, c'est synthétique. Oh, hey, Robert Charlebois la chante plus, celle-là, parce que c'est pas rock, mais il doit la garder. Il l'écoute la nuit, là, dans son lit, avec sa femme, puis même sans sa femme. Il met son écouteur. Il place sa petite radio avec un enregistreur à côté. Qu'il avait, parce que la veille, il avait fait au piano. C'est pas physique, c'est électrique. Puis là, il s'est dit, quand je vais essayer de m'endormir, j'ai placé ça dans mon oreillette. Puis ça va m'aider à partir. Pas vers l'au-delà, pas vers le dernier voyage. Non, vers le sommeil, vers les rêves. Et comme ça, peut-être moi-même, hein, Robert Charlebois, j'arriverai à écrire quelque chose. Fait que là, il écoute ça. C'est pas physique, c'est électrique, c'est électrique, c'est pas physique, c'est électrique. Il s'endort pas. Il dit, ouais, c'est une belle ritournelle, là, mais dans ma tête, ça devient pas synthétique ou électrique, là. Qu'est-ce qui se passe? Fait que là, il prend sur lui, et puis sur sa femme aussi, il dit, ça, là, sa femme, elle dit, oh non, laisse-moi dormir, parce qu'il prenait sur sa femme, oh, sa femme, elle voulait pas, mais Fait que là, il appelle Luc, il dit, hey, Luc, peux-tu me réécrire une chanson? Il dit, oh, maintenant, j'écris plus, tu sais, je suis à Montréal, dans le Westmont, et j'habite quelquefois à New York, à Paris, à Londres, à Tombouctou, pour ne pas dire un peu partout où il y a des créateurs, et puis là, j'ai pas le temps. Puis en plus, j'ai accroché mon crayon, mon papier, je ne le trouve plus. Mais j'ai quand même des bonnes rimes, des bonnes réflexions. Je pourrais t'en faire une n'importe quand, mais pas maintenant. Il n'est pas temps. C'est comme les pâtes. Il faut attendre que ce soit al dente. Comment? Al dente. Ouais, il manque de colle à dentier. Prends chance avec moi, ah ouais, ah ouais, viens-t'en, je m'en vais tout te donner, ah ouais, viens-t'en, viens-t'en. Embarque avec moi dans mon char de Mongol, et pas peur, on ira pas vite, et pas peur, je t'apprends pas mal. Je vais t'emmener dans ma chambre, écouter des records psychédéliques. Prends une chance avec moi, ah ouais, ah ouais, viens-t'en, je m'en vais tout te donner, ah ouais, viens-t'en, viens-t'en. On va aller au parc La Fontaine, avec mon go Radio 4 bandes, on va faire triper Moineau, on va faire freaking Pascal. Je vais t'amener à l'hôtel des vampires, voir les Spoutniks de Saint-Guillaume. Prends chance avec moi, ah ouais, viens-t'en, je m'en vais tout te donner, ah ouais, viens-t'en, viens-t'en. T'es mon parc Belmont sexuel, je vais te faire l'amour en stéréo, et pas peur, je te ferai pas mal, à l'instant de l'orgasme, je vais me coller 45 ses tempes, puis je vais me garder pour toi, rien que pour toi tout seul. Rien que pour toi tout seul, ouais. Aujourd'hui, le 3 octobre 2022, l'auteur, compositrice, interprète que j'adore, beaucoup de talent, belle comme un cœur, elle sait manier sa voix autant que sa guitare. Et j'ai nommé Betty Jane. Alors attention, l'auteur, compositrice, interprète pour 60 minutes, entourée de sa musicalité, de ses chansons, Betty Jane, en ce 3 octobre 2022. À toi l'artiste. Salut Betty Jane, ça va? Ouais, yeah, yeah. Well, l'amour, l'amour, l'amour, c'est cool, c'est cool. Laisse-moi te poser une question, mon chéri. Ouais, c'est cool. Dis-moi quand tu préfères l'amour, mon chéri. C'est le rock. C'est ouais. Le rock pur et dur, comme on dit au Québec. Ouais, j'aime le rock, oui. Qu'est-ce qui t'a amené à la musique? La musique? OK. Mais pour être plus précis, c'est tes parents qui l'écoutaient ou c'est toi qui as voulu, adolescente, partir seule dans le milieu de la musique? Alors, la vraie question, ça va être plutôt qu'est-ce qui m'a amené vers le rock? Parce que la musique... OK, il y avait de la musique à la maison, mais pas du rock. OK. Il y avait du rock à la radio. Ouais. Et je me souviens que toute petite, ce qui interpellait ouais. mon oreille, okay. c'était tout ce qui était son rock. Déjà, très petite. C'est l'énergie, en fait. Ouais. Donc, je me souviens du rock qui passait à la radio. Donc, il y avait Renaud qui passait à la radio dans les années 80. Ouais. Et c'était pas n'importe quelle chanson, c'était Viens chez moi, j'habite chez une copine. Ah oui, un des premiers, ouais. Voilà. Voilà. Il y avait Alain Bachung, Vertige de l'amour, ouais, qui passait. Boris Bergman. Alain Bachung. Pas n'importe qui. Par lui-même, Alain Bachung. Oh, je ne sais pas si j'ai compris ta question. Non, mais c'est quand même un phénomène, Alain Bachung. Oui, c'est moi, j'ai jamais trop suivi Alain Bachung. Okay. Mais j'aimais bien cette chanson, mais moins que celle de Renaud. OK. Parce qu'il était trop d'avant-garde ou... Non, parce que moi, Bachung, c'est pas... c'est une question de goût. Je suis moins attirée par Alain Bachung. Je suis moins attirée par son univers musical, par ses textes. Mais cette chanson-là, je m'en souviens, je l'aimais bien. Il y avait AC/DC qui passait à la radio. Ah oui. Et... La voix de la fière du chanteur. Voilà. Ah ouais, et c'était Girls Got Rhythm qui passait à la radio. Et je pense que c'est vraiment une époque où on pouvait entendre AC/DC passer à la radio sur des radios, nationales. Et après, ils les ont plus passés. Après, fallait aller sur des radios, tout cas, plus spécialisées rock. Est-ce que tu enregistres? Non, oui. Pas encore. Ben oui. Ah si, d'accord. Ben oui, je prends tout ce qui se passe. Ok. Pourquoi? Non, parce que je croyais qu'on n'avait pas donné le top départ. Ah, je fais pas de top départ, moi. Ah, ok. Je suis comme Claude Lelouch, je place les trucs, on part. On discute. Oh, oui, ok, c'est ça. Ouais, d'accord. Moi, je fais pas d'entrevue, je fais des rencontres. Oh, pas de problème. Voilà. C'est parfait. C'est bien. Ça me va. Ben oui, c'est relax. Donc, c'est ce milieu de rock-là qui t'a amené à toi-même te percevoir chanteuse rock. Tu t'imaginais à leur place? Non. Non? Non, c'est autre chose. Comment je suis arrivée à m'identifier au rock? C'est une très bonne question. Eh bien... Donc, aimer le rock déjà et en écouter beaucoup, même si ça n'est pas du tout la musique à laquelle j'étais destinée. Le rock, c'était un courant dans les années 90. Je pense que c'était l'avènement du hard rock, du rock metal et du rock alternatif français. Donc, Il y avait Noir Désir aussi qui était là. Donc, en rock. Téléphone un peu avant. Téléphone avant, voilà. Téléphone aussi passait à la radio quand j'étais toute petite. Et c'était vraiment les... Il y avait beaucoup de musique qui passait à la radio, mais pourquoi ces téléphones Bachung, Renaud, Alain Blanchard avec son Rock Amadour, qui rockait. Rock Amadour? Oui. Ah, moi je trouve pas. Ah non, mais... ok. Parce que ça jouait beaucoup. Non, ah oui, parce qu'elle est passée à la radio, mais il a fait que celle-ci, et puis il y avait de l'accordéon. Exactement. C'est un peu atypique, oui. C'est comme Renaud avec son accordéon, c'est assez atypique. Écouter le rock avec un accordéon, c'est un peu Renaud qui a instauré ça. C'est le son. On était loin des guitares et puis des batteries. C'était plus un rock. On est plus franchouillard, ouais. Exactement, ouais. Avec l'accordéon, ouais. Oh, mais c'est bien. Ça donne un son particulier. Ouais, en tout cas, il était bien utilisé dans le rock, je trouve, dans ces années-là. Ouais. Et finalement, il n'y a pas beaucoup d'accordéon dans le rock en général. Non, c'est vrai. Mais rien n'empêche d'en avoir. Ben non, rien n'empêche, non, effectivement, ouais. Bonsoir. Bonjour. On n'a pas été servi. Non, pas encore. Merci. Et sinon, toi, tu as commencé à te sourcer dans la musique qui jouait à la radio, tu étais amateur de rock et tu attendais juste la prochaine chanson, le prochain hit. Et ça te réconfortait d'écouter du rock contrairement à la pop ou à la musique jazz, blues? Tu te sentais plus interpellée? Je me suis vraiment... moi, c'était une musique qui m'excitait. Donc forcément, qui me faisait danser. Ouais. Qui me mettait sur une onde de transport, voilà. Un transport intérieur, une émotion intérieure qui vraiment... Une transe, une sorte de transe. Oui, quelque chose de très, très puissant, oui. Bonjour. Bonjour, merci. As-tu quelque chose en tête ou... Qu'est-ce que j'aurais envie de boire? Regardez comment ça s'appelle. Non, il n'y a même pas de nom sur les... Ah, c'est quand même... Mais c'est coopératif, hein? Si c'est coopératif, il y en avait un, bon, comme ça, chez nous. Si je bois de la bière, je vais dire plein de conneries, ça va pas aller. Mais non, vas-y. Je vais me désinhiber. Ah non, mais vas-y, c'est le but de la manœuvre. Ah ouais. On va plus loin. On dit surtout des conneries, et après... Ben voyons. Juste un verre, eh ben, je vais boire un Pastis Ricard. Oh, ok. Allez, c'est parti. Parfait. Les prix sont vraiment pas élevés. Hein. Par rapport à la province, très aussi, abordable. Mais... Non, si tu comprends. Par rapport à la place, oui. Oui, oui, oui, oui. Bon, mais moi, je vais prendre. Je vais prendre ça. Qu'est-ce que tu vas prendre, Reynald? Oui. Je suis en plein questionnement. Tu bois du pastis Ricard? J'en ai pris un tout à l'heure avec le groupe Bernard. Mais juste, moi, j'ai juste pris un pastis. C'est la même chose. Ah, c'est le nom du Ricard pastis? Ouais, ah. C'est ça. Ah, mais peut-être que c'est soit l'un, soit l'autre. Mais c'est le même prix. Ouais, mais c'est pas... Ouais. OK, ouais, pastis Ricard. Ouais. Bon, moi, c'est pas ce prix-là, je l'ai payé. Bon, je pensais prendre un rouge, mais il n'y en a pas. Donc, Ah, moi aussi, vin rouge? Oui, je viens de voir. Oui, je viens de voir. Parfait. Ouais, c'est choisi. Un petit rouge, 25 centilitres. C'est la classe. Parfait. Et j'avais raison, hein. La bouffe... Ouais. Alors revenons à la musique, revenons... Est-ce que tes parents écoutaient ce genre de musique-là? Pas du tout. Pas du tout. Rien à voir. Non, moi j'ai des parents qui écoutaient quasiment exclusivement de la musique orchestrale. Ok. Oh. Ou de l'opéra. Ah. On est loin du boom-boom. Ouais, hein? Très loin. C'est pour ça que c'est peut-être en réaction, non? Non, il n'y a pas de réaction, parce que j'adore la musique orchestrale, j'adore les opéras, j'ai aucun problème avec la musique d'orchestre, les poèmes symphoniques, les musiques de ballet. Donc toi, tu te sens pas mal à l'aise devant ça, parce que tu as l'oreille aiguisée grâce à tes parents? En tout cas, j'ai de la musique, dans les oreilles, j'ai des orchestres dans les oreilles, avant tout, effectivement, même avant la chanson. Donc après, j'écoute la radio, effectivement, c'est tout ce qui est rock'n'roll qui m'accroche. Les musiques de films aussi, parce qu'il passait pas mal de musiques de films, justement, qui sont des musiques purement orchestrales. Donc ça me plaisait bien. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai un cousin qui était DJ. Oui. Et lui, il écoutait de la funk. Oui. La funk nord-américaine. Donc j'en ai beaucoup écouté. C'était la grande époque dans les boîtes de nuit françaises. Il y avait beaucoup, il y avait que ça, je pense même. Oui. Oui. Bon, moi, je sortais pas en boîte, hein, j'avais pas 10 ans, mais j'en ai beaucoup écouté. Et après, c'est plus tard, donc avec les potes, le collège. C'était la grande époque des Guns N' Roses. Ah oui, oui. C'était il y a un peu plus tard, les Red Hot Chili Peppers sortaient. Rage Against the Machine, les Metallica, bien sûr. Il y avait Joan Jett. Il y avait un tube de Joan Jett qui passait tout le temps. Je n'aimais pas ce tube. Ah non. Bonjour. Je vais prendre un Ricard, s'il vous plaît. Bien. Pardon? Bien. Sa culotte, et je vois sa culotte, et je vois sa culotte. Moi et ma colocataire, on s'éclate à la regarder. Cette voisine était en l'air, ou bien elle le fait exprès de se balader toujours en culotte. Il faut croire que c'est bien ça qui la botte. Se mettre en culotte pour se faire mater. Martini? Non, pas Martini, c'est ça. Moi, je vous montre ça. Un pastis. Voilà. Moi, je vais prendre 20 rouges, 25 centilitres, s'il vous plaît. Rouge. 25 centilitres. Ouais. C'est particulier. J'ai hâte de voir ce qu'on va avoir. OK. Alors toi, à quel moment tu as voulu monter sur scène? J'ai d'abord voulu jouer du piano. Donc je suis montée sur scène en jouant du piano. Classique? Et... Ouais, du piano classique. En France, il y avait que ça. Okay. On ne pouvait apprendre que ça. Okay. Dans les conservatoires. En tout cas, là où d'où je viens. Et ensuite, l'envie de monter sur scène est venue quand j'avais 12 ans, par là, 12 ans. Et que j'ai compris que c'était un peu trop, on était un peu trop retiré en tant que musicien classique derrière un piano. Il fallait autre chose pour me faire sortir ma personnalité, m'exprimer. Donc j'ai eu envie de faire du théâtre. Oh, du théâtre, ok. Oui, j'ai fait du théâtre, oui. Mais j'en fais toujours d'ailleurs. Oui. Et puis sur scène, tu peux l'utiliser aussi à travers tes chansons. Je l'utilise. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené au théâtre? C'est le piano. C'est un cercle. Non, je pense que c'est tout simplement le fait de regarder la télévision, le cinéma, tout simplement, voilà. On a l'impression que ça se fait tout à travers un écran. Et puis le jour où on fait un atelier théâtre, on se rend compte que ça se fait en direct. Ouais. Et que c'est un lien instantané. C'est l'ici et maintenant. Et c'est ça qui m'a le plus plu. C'est le live, c'est le direct. Que ce soit en théâtre ou en musique. Ouais. Totalement. Et le déclencheur, as-tu fait du théâtre avant de faire de la musique ou c'est Non, j'ai fait de la musique avant de faire du théâtre. Mais du piano. Ouais, j'ai fait du piano, ouais. Et de la chorale, du coup. Et à quel moment tu as voulu vraiment changer du piano au rock, à la musique? Oh non, on va dire que le piano, je me suis dit, ok, c'est pas ce qui te correspond. La musique classique, tout ça, c'est très bien, mais c'est pas ce qui me correspond. Donc, moi, c'était faire du spectacle, donc c'était très bien. Et j'ai commencé à faire une école un conservatoire de théâtre, et après j'ai commencé à travailler en tant que comédienne chanteuse et danseuse dans les comédies musicales, ça. Parce que j'avais fait tout, moi j'avais fait la danse, le théâtre et la musique les conservatoires. Alors tu étais prête dans l'univers du musical? Oui, c'est ça, oui, on peut dire ça, oui. Puis ça commençait dans les années 80 avec Starmania et toutes ces... Oui, c'est ça, oui. Après, j'étais pas non plus faite pour la comédie musicale. OK. Qu'est-ce qui t'a dérangé là-dedans? C'est trop c'est l'encadrement, la rigidité de... Non, parce que les comédies le milieu des comédies musicales à Paris est plutôt sympa. J'ai rencontré des gens chouettes, des équipes très sympas. Et vraiment avec d'excellents artistes, et ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment appris le professionnalisme. Non, je pense que c'est chanter dans les comédies musicales, il y avait quelque chose qui me manquait. Déjà d'une, on ne voit pas mon nom sur l'affiche, ça me gêne. C'est des trucs où on reprend des choses de Disney, réadaptées, c'est très impersonnel finalement. Moi ce que j'aime c'est les créations. Donc... j'ai commencé à écrire mes chansons. Et alors, c'était plutôt de la chanson humoristique cabaret, vu que je viens du théâtre. Okay. Et puis, comme j'avais du rock tout le temps en tête, j'ai écrit mes chansons, en fait. Quand j'ai écrit mes chansons, j'entendais toute l'orchestration rock. Ah, c'est bon. Oui. Tu as écouté mes liens? Oui. D'accord. Oui. Parce qu'on n'en a pas parlé, du coup. Oui. Mais c'est... Et je te les ai envoyés exprès hier soir pour que tu sois bien fraîche dans ta mémoire. Mais j'ai survolé, soyons honnêtes. Dommage. Oui. Mais je vais m'y attarder parce que dans mon émission, je vais les placer, c'est certain, que ça va prendre une place prépondérante dans cette discussion-là parce que on consacre un moment, donc il va y avoir de la musique, juste les créations que tu as faites, donc c'est plus facile, c'est comme ça qu'on va connaître plus ton personnage, parce que c'est un personnage que tu as créé. Oui. Oh, oui. Comment il est venu? Probablement en me regardant dans un miroir. Okay. Ouais, la communication entre toi et toi. Oui. Oui, non, mais le meilleur de ma personnalité qui pouvait aller sur une scène être moi en chanteuse tout en me faisant remarquer. Merci. Merci à vous. fait bouche. Bouche, oui. 25 centilitres. 25? 25. Bouche? Yes, oui. Donc, c'est vraiment en faisant une réflexion sur ce que tu allais faire. Ce que je voulais surtout, c'était me sortir du système où j'étais employée sur les créations des autres. Ouais. Et me trouver, moi, donc... surtout trouver comment moi je me mettais en scène de la façon la plus optimale possible et on va dire trouver une des meilleures versions de moi-même qui soit exploitable tout de suite. J'ai écrit des chansons, c'est des chansons humoristiques, je fais rigoler les gens, pas de problème. J'ai un tempérament comique qui passe très bien, ça je le savais depuis longtemps. Donc, j'ai été faire des scènes ouvertes, et j'ai fait l'andouille en chantant des chansons. Et en fait, j'ai fait un sketch en chanson, dans un squat. Et en fait, le public a pas bien compris. Je me suis présentée comme étant un personnage, Betty, quelque chose, machin. Je me suis fait passer pour une Américaine qui était de passage à Paris, donc je chantais avec l'accent américain. Je disais vraiment, voilà, j'étais là complètement par hasard. Merci. Non, mais bien sûr, du vin. C'est du vin. Red wine. Red wine, please. OK, non, c'est pas grave. Thank c'est you. Pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Alors, tu peux aussi. Tu as pu... Et du coup, le public s'est planté. Il m'a dit, ah, c'était très bien, Betty Jane. Ah, oh, on a adoré. Je dis, Betty Jane, tiens, c'est marrant. Ah, c'est eux qui t'ont lancé. C'est eux qui m'ont lancé le truc. Ah. Moi, j'avais pas dit ça. Je lui ai dit, tiens, c'est marrant, j'ai pas dit ça tout à l'heure. J'ai dit, mais ça sonne bien. J'ai dit, je vais le garder, tiens. Et j'ai commencé Betty Jane, donc la pin-up, une chanteuse pin-up qui voyage avec sa guitare. C'est la cowgirl des montagnes françaises, ce qui est vrai, finalement. Oui, c'est devenu ta marque de commerce. Bah, c'est aussi très proche de ce que je suis, finalement. Oui, c'est une réalité à peine exagérée. Parce qu'après, quand on m'a... En fait, il y a une metteuse en scène suisse qui avait beaucoup bourlingué. Et elle m'avait vue un soir dans une fête où j'avais justement chanté une connerie comme ça en impro. Elle, le lendemain, elle est revenue me voir, elle m'a offert un CD de Patsy Cline. Oui, tu connais Patsy Cline. Oui. Elle m'a dit, tu me fais penser aux chanteuses de country. Tu te trouves dans ce CD, tu vas trouver quelque chose. Et j'ai trouvé une chanson dont j'ai fait une adaptation. Okay. Qui donc fait rire tout le monde. Et de Patsy Cline, j'ai étudié toutes les chanteuses country et rock'n'roll, rockabilly des années 50-60. Je suis tombée sur Wanda Jackson. Et là, ma fille et sa copine m'ont dit, oh, tu lui ressembles. Okay. Donc effectivement, il se trouve que, coiffée différemment, j'ai une ressemblance avec Wanda Jackson quand elle était jeune. Et même au niveau du timbre vocal, au niveau de l'énergie aussi. Et donc historiquement, j'ai envie de dire, je pense que les chanteuses de cette époque-là ont passé quelque chose qui, voilà, à travers les âges, arrive jusqu'à moi et fait que je ressors un rock'n'roll en France. Nouveau. Qui est, ouais, finalement, oui, parce que ça, c'est pas spécialement exploité en langue française, ouais. Ni cette énergie, ni cette musique-là. Alors après, il va y avoir des chanteuses qui font du rockabilly, mais je pense qu'elles vont tout chanter en anglais. Ouais, ok, ben oui, c'est plus facile. Après, moi, je suis aussi empreinte de punk, hein, donc... Alors, t'as l'univers, t'as l'énergie du punk dans une forme de rockabilly. Ouais, le rockabilly est quand même pas vraiment présent. Il faudrait de la contrebasse. Non, je pense que c'est plutôt une façon de chanter des chanteuses à l'ancienne. Parce qu'une chanteuse de rock aujourd'hui, elle va essayer de chanter plutôt à la façon métal. Ouais. Elle va faire du brawl. Non, c'est pas ce que je cherche. Okay. Et toi, c'est en fait en faisant des concerts que le personnage s'est peaufiné. Il n'est pas arrivé comme ça, c'est un... Si, c'est arrivé un peu comme ça. Okay. Parce que j'ai écrit la trame de mon spectacle. Je ne l'avais jamais joué, vraiment. Je me suis lancée dans un café-théâtre. Le directeur est venu me voir et j'ai fait le spectacle tel qu'il est, en fait. Je split en orbite, je ne touche plus le sol en apesanteur. hésite, régurgite une ligne devant moi, montée de chaleur. Exit, ressuscite, je prends mon envol, surfer sur les vagues. Communion vers le ciel, un bonheur irréel. C'est si bon, laissez-moi atteindre comme il se doit le royaume de Shiva, les cimes du Nirvana, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue, et flirter avec la drogue. Avant de me faire prendre mes juste avant, laisse-moi atteindre juste une fois la lumière qui vient à moi et me rapproche de toi. Oh, je te touche du bout des doigts, mais tu te dérobes à moi. La lumière qui vient à moi et me rapproche de toi. Je te touche du bout des doigts, mais tu te dérobes à moi. Je ne peux plus redescendre, prisonnière des anges qui flirtent avec la drogue, qui flirtent avec la drogue. Je split en orbite, je ne touche plus le sol en apesante. Et ça, c'est en quelle année? En 2012. Ok. Et le spectacle, a été joué longtemps, sans doute, en 2012 jusqu'à... Ah, jusqu'à aujourd'hui. Ah, ok, tu fais toujours la même chose? Oui, je le fais encore, oui. Okay. J'ai très peu joué ce spectacle, je le joue très peu. Pourquoi? Eh bien, parce que je n'aime pas jouer devant des salles vides. Okay. J'évite de jouer devant des salles vides, donc je le joue très peu, parce que j'ai du mal à remplir. Mais parallèlement, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, je fais de la musique. Mais sous un autre... autre nom? Non, okay. J'enseigne la musique. Ok. C'est mon boulot à côté. Ok. Et toi, ce qui te branche, c'est de faire des spectacles, d'amener... quand même, il doit être bien rodé, ton spectacle, après autant d'années. Et les gens, la réaction des gens quand le spectacle est fini? Elle est bonne. Blanche? Non, wine, red wine. Red wine. Oui. Ah, mais il devrait amener quelqu'un qui parle français au moins. Ouais, c'est... étrange. Oui, c'est très étrange. Non, mais l'autre fois, c'était déjà le cas. Donc, en fait, j'ai un spectacle de chansons, cabaret, humoristique, en français. Je le tourne dans les cafés-théâtres, okay. Petite jauge. Après, j'ai mon concert de rock avec des musiciens que j'ai commencé à Lyon, une ville dans le sud de la France. Ouais. J'ai enregistré l'EP. Ok. Que je dois sortir. Ah, c'est ok. Voilà. L'EP n'est pas encore sorti. Donc, je vais te donner l'EP. Donc, tu vas avoir l'honneur d'être un des premiers à l'avoir en ta possession. Merci. Voilà. Mais le travail que tu as mis sur ce disque-là, c'est vraiment des années et des années. Non, c'est quelques... Oui, c'est quelques années de travail avec des musiciens. Enfin, quelques mois plutôt. C'est pas 10 ans de travail, hein. Non. Est-ce que les chansons ont vécu sur scène avant ou... Très peu, très peu. J'ai très peu fait de live finalement. Enfin, moi, de mon point de vue. Pour moi, j'ai pas fait suffisamment de live. Je sais pas combien de fois j'ai joué mon spectacle, mais un concert de rock, on jouait peut-être une fois par mois sur 2 ans. Okay. Pour moi, c'est pas suffisant. Mais tu connais plein de groupes, ils jouent très peu, même moins que ça. Ouais. Mais qu'est-ce qui est difficile pour toi? C'est de te placer, de trouver une salle ou déjà, c'est de trouver le bon public, ouais. Les bonnes conditions, de façon à ce que moi, je m'amuse et à ce que je me sente bien. Mais tu pourrais faire des festivals, non? Oui, il faut. Oui, ben ça, on peut même se pointer dans un festival et jouer de façon, enfin, hors programme. Hein. Oui. Ça, c'est ce que je vais faire cet été. Ok, hein. C'est bien ça. Ouais. Ouais. Alors, tu vas commencer à faire vivre tes chansons. Là, je reviens d'un festival, j'étais en Savoie, mais là, j'étais programmée. Ok. Voilà. Comment ça s'est passé? Bien, très bien, mais c'est pas un public. C'est pas le public qui est vraiment fait pour danser, pour écouter ce que je fais. Enfin, si, pour écouter ce que je fais, mais à un moment donné, c'est un public qui est là pour manger, qui est là pour écouter, mais c'est pas un public de rock, quoi. Ouais. Tu viens là pour écouter la musique. Voilà, donc à la limite, il aurait mieux valu que je fasse les chansons de mon spectacle sans mon spectacle, tu vois. Ouais. Voilà, donc, sans, en fait, sans la mise en scène. Sans voilà, sans la mise en scène. Ouais. Voilà, c'est ça, tu vois. Donc j'ai déjà énorme, hein. J'ai deux spectacles avec deux programmes différents. Il y a quelques chansons qui sont adaptées en rock et qui sont sur les deux, mais pas toutes. Okay. Voilà, et j'ai énormément de plaisir à jouer mon spectacle. Il est très plaisant. En général, les gens adorent mon spectacle et vraiment reconnaissent que ce que je fais, il n'y a pas trop d'autres... En gros, je suis quasiment la seule en vue à faire ce que je fais sur scène. C'est unique. Oui, c'est assez unique, oui. Comment tu l'as monté ton spectacle? De quelle façon tu as placé tes chansons? As-tu prévu de parler à travers les liens musicaux que tu fais? Oui, ouais, c'est ça. J'ai fait un fil rouge. OK, un fil conducteur, oui. Un fil conducteur. Mais est-ce que c'est improvisé? Pas du tout. C'est pas improvisé? Si, si, ça a été improvisé. J'ai une trame. Tu sais, moi, je fonctionne un peu à l'italienne, tu vois? Ouais. La tradition ouais. de la commedia dell'arte. Ouais. Moi qui viens du théâtre et tout ça, hein. Donc les comédiens dell'arte, on est très musique, on est dans l'ancêtre de tout ce qui va être le spectacle moderne, voire contemporain. Donc moi je me fais ma trame, mon fil rouge, j'ai dit ok, cette chanson-là ça va, ça s'enchaîne bien, très bien. Et après j'ai improvisé sur scène, je te dis, il y a eu une fois, c'est bon, je ne me suis pas loupée, mon spectacle a été fait, il était écrit. Il s'est écrit ce soir-là, le directeur m'a programmé, j'ai fait la saison. Il m'a dit, c'est super, ton spectacle, ça marche bien, on comprend tout à fait les enchaînements, les liens, ça fonctionne. Moi, je ne savais pas si ça allait fonctionner. Ce que je veux te dire, c'est que c'était très instinctif, voire inconscient. Je me suis fait confiance. Le public a fait le travail. Moi, je ne saurais pas expliquer exactement ce qui se passe dans la tête du public. C'est normal, on ne peut pas être dans la tête du public. Mais c'est le public qui vient te voir après, qui te parle un peu de ce qui s'est passé, comment ils ont perçu le... Voilà, après, il y a toujours des choses que je tente, que je vais essayer d'améliorer. Voilà. Après, les retours du public, en général, sont plutôt des compliments. Rarement, on va rarement dans les détails quand même. Oui. Voilà. Mais le spectacle, tu l'as conçu de quelle manière? Est-ce que les chansons étaient déjà indiquées quand tu as voulu le placer sur scène? Ou tu l'as placé sur scène, après ça, tu as décidé de faire un EP de ce que tu présentes? Alors, l'EP, c'est que les chansons rock. OK. Un EP, c'est 5 titres rock. Ouais. Mon spectacle, il y a 10-11 chansons. OK. Et tu les as choisies comment? Les chansons de l'EP? Oui. Je trouvais que c'était celle qui allait offrir une palette la plus variée qui pourrait me représenter. C'est-à-dire qu'en fait, l'EP, j'ai pas voulu faire un EP, moi. Okay. J'ai pas voulu faire un EP, j'ai voulu faire une maquette. Ah oui. Mais on a tellement bien bossé. Une carte de présentation. Voilà, c'était plutôt pour démarcher. Et en fait, on a tellement bien bossé et le résultat m'a tellement étonnée, je l'ai trouvé tellement bon que je me suis dit, mais bon sang, mais en fait, j'ai un EP. Ouais. Mais je ne m'attendais pas à ça. J'avais pas pensé, je fais un EP. Est-ce qu'il a été autoproduit ou si c'est toi qui J'ai été financée. Ok, c'est bon, c'est bien. Et là, c'est pareil, le financement, il m'a un peu, si tu veux, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres. Oui. Un courrier comme quoi, voilà, si je voulais, je pouvais passer un entretien pour obtenir un financement pour un projet, des outils de promotion. J'ai dit, ah ben tiens, ben finalement, ouais. Oui, on frappe à ma porte, je vais le faire. Ouais, oui, il m'a fallu quelques temps avant de me dire, attends, Betty Jane, finalement, j'ai envie d'enregistrer un album. Non, j'ai envie de faire, justement, j'ai envie de... Non, je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit, il me faut des outils. C'était des outils de promotion, ouais, voilà, c'était outils de promotion, ben oui. C'était promotionnel. Donc il me faut un teaser pour le spectacle, parce que le spectacle existait déjà, et je voulais faire le groupe de rock. Et là, je me suis dit, donc, il faudrait que je puisse enregistrer quelques titres, voilà. Et ce serait parfait. Et du coup, j'ai passé les entretiens et j'ai gagné le maximum. Eh, c'est bien, c'est très bien. C'est assez, je vous laisse, je retourne dans la montagne, retrouver la petite cabane que je me suis construite. Car là-haut, au sommet, rien ne peut plus atteindre mon âme. J'y suis bien et je peux librement vivre ma vie. Je m'en vais sans regret, quitter la ville et ses soucis. Les bruits de moteur, les arnaques, les appareils. visages qui défient le ciel après l'orage. Et là, je suis pas... Donc, j'ai pu faire mon teaser, que je t'ai pas envoyé d'ailleurs, qui pourrait être mieux que ce qu'il a coûté. Hein. Et par contre, ouais, le studio d'enregistrement, du coup, on a pu enregistrer un EP. J'ai vraiment voulu boucler que sur le budget qu'on avait. Puis mes musiciens, de toute façon, voilà, ils ont fait le boulot jusqu'à l'EP. Et derrière, j'ai plus eu de musiciens. Donc, en fait, là, je suis une One Rocking Girl Show, tu vois. One Rocking Girl Band. Mais, je suis la chanteuse qui rock toute seule. Qui rock toute seule, mais c'est bien de rocker toute seule, il ne faut pas attendre après les autres parce qu'on peut attendre longtemps. Bah, je vais te dire, là, je m'ennuie un petit peu à rocker toute seule quand même. Hein. Rock, un groupe de rock toute seule, franchement, vite fait. Hein. Ouais, il faut au moins un batteur. Puis, Bah, j'ai des drum tracks. Ok, ouais. J'ai des pistes de batterie, quoi. Ouais. Au moins un batteur. Ouais, c'est marrant, pourquoi tu penses que c'est un batteur? Bah, parce que c'est du rock. C'est au moins la batterie, pour l'énergie. Ouais. Les guitares, c'est pas l'énergie, c'est le fait d'enrober la chanson. La batterie, c'est elle qui donne toute la Ouais, c'est clair que c'est la base. Ben oui, c'est comme... Faut la rythmique et puis après, je fais la rythmique. Ben oui. Du coup, moi, j'ai appris à jouer de la guitare rythmique pour mon seul en scène. Et c'est ça qui est bien, c'est que je chante quand même pendant une heure et demie. En m'accompagnant à la guitare acoustique et en racontant des conneries au public qui rigolent et puis qui... Mais tes conneries, est-ce que tu racontes un peu la vie de ton personnage ou si tu racontes... Non, je raconte pas la vie de mon personnage. Enfin, ça doit être perçu comme étant la vie de mon personnage. On va dire, c'est les aventures. C'est des aventures qui me font... Des aventures de la vie du personnage qui font que j'écris des chansons qui parlent de ces aventures, qui me font rebondir à des questions existentielles dont je discute avec le public et qui m'amènent à évoluer dans le spectacle sur tout un ensemble de chansons. Alors, c'est un échange entre le public. Aussi, c'est très interactif, oui. C'est pour ça que la réaction est aussi... Les gens sont aussi embarqués parce que tu les inclus dans ton spectacle. Ils ne sont pas juste des spectateurs. Ah oui, non. Ils rigolent avec moi, ils chantent avec moi. Je leur pose des questions, ils répondent. Alors, le EP que tu viens de faire te donne vraiment la carte de visite qu'il te fallait pour aller plus loin, pour être présenté dans les festivals, pour les spectacles, pour... Si les gens veulent savoir un peu à quoi s'attendre, ils vont écouter le EP, donc ils vont avoir une belle version de ce que tu peux offrir. En fait, dans ce que je fais, je pense qu'il y a tout pour plaire au public. Surtout qu'il y a déjà plusieurs formules. Ouais. Je m'adapte, je peux être avec des musiciens et sans musiciens. Il y a beaucoup d'artistes qui peuvent pas se passer de musicien. Moi, je me suis autonomisée totalement. Ouais. Donc déjà, je me suis vraiment centrée sur moi-même. J'ai appris la guitare hein, quand même à 30 ans pour justement me... Et pourtant, je l'ai même pas fait dans l'intention d'être totalement libre. Mais en fait, c'est une super liberté. Moi, tu m'aurais dit à 28 ans que j'allais me mettre seule en scène devant un public, j'y aurais jamais pensé. Il y a un moment donné, je me suis retrouvée là-dedans et j'aurais même jamais pensé que mon one man serait dans la chanson. C'est vraiment, je me suis découverte. Mais ça s'est fait tout seul aussi, un peu. Ça s'est comme inventé par lui. Si tu veux, à un moment donné, j'ai eu une volonté de me pousser. Peut-être parce que dans ma vie ça n'allait pas et qu'il fallait que je me sauve. Okay. Il fallait que je me... Que tu prennes le recul. Du recul. Je dirais pas du recul, parce que là, se reculer, c'est plutôt se protéger pour moi. Moi, c'était... Non, ah ben non, au contraire, c'est pas une fuite là. Alors là, c'est tout sauf une fuite. Je me suis mise en danger, au contraire. Je me suis vraiment mise, je pense plutôt, bah oui. J'ai pas du tout choisi la facilité. Alors là, pour le coup, j'aurais pris un guitariste qui m'aurait accompagné, tu vois. Ouais. Mais là, j'aurais galéré avec 3-4 guitaristes, je me serais fait chier. Non, je me suis enfermée. Un été, je suis même pas partie en vacances pour apprendre à jouer de la guitare, tu vois. Et j'en suis sortie, il y a un guitariste qui m'a dit, mais attends, t'as pris en combien de temps à t'accompagner? Je dis, ben en 2-3 mois. Il m'a dit, mais moi, il m'a fallu 2 ans. Je dis, oui, mais moi, j'avais déjà joué du piano, tout ça. Ça devait être plus facile. Entre nous, d'ailleurs, ce qui serait bien, c'est que maintenant, je fasse une petite formation pour faire des solos, ce serait pas mal. Ok, ben oui. Si ça se trouve, j'en suis capable. Ouais. Tu vois, les capacités musicales, en fait, ce qui est génial, c'est qu'on se rend compte qu'on arrive à se dépasser soi-même. C'est vrai. On se surprend soi-même aussi. On se surprend soi-même. Ah ouais. Danser seul en scène avec une guitare, en racontant des conneries, c'est pas spécial. Mal quand même. Ouais, c'est assez spécial. C'est déjà pas mal. Oui, c'est assez singulier. Les chansons que tu as placées sur ton EP, qu'est-ce qu'ils racontent? Qu'est-ce que tu voulais amener comme propos? Moi, j'aime beaucoup parler des femmes et du rapport homme-femme. Okay. Tu es féministe? Oh, sûrement, oui. Je pense que je suis féministe. Je suis probablement pas féministe au sens où les hommes peuvent imaginer ce qu'est le féminisme. Okay. Et comme je te connais, comme je sais pas, toi en tant qu'homme, comment tu vois le féminisme, là on rentrerait dans un grand débat. Ouais. Cela dit, c'est super intéressant. Ben oui. Mais oui, bien sûr, je défends les femmes et la féminité, le point de vue féminin. Donc, j'ai décidé de commencer avec ma chanson qui s'appelle « Où est l'amour ?» qui est en fait un dialogue entre les hommes et les femmes, où une femme demande à son mari quand est-ce qu'il aime faire l'amour, où il aime faire l'amour, et combien de temps ça dure faire l'amour. Et où son mec lui répond complètement à côté. Qui pour moi montre à quel point on perçoit l'amour d'une façon différente, oui, les hommes et les femmes. C'est vrai. Du coup, ça fait une chanson drôle. Uh-huh. Ensuite, c'est la voisine en culotte, parce que la voisine en culotte, elle intéresse tout le monde. Eh oui, elle est en culotte. Donc... Ah, il suffit qu'il y ait le mot culotte, c'est bon, tout le monde part au quart de tour. Donc c'est vrai que si je dois faire tirer la courte paille au public, la prochaine chanson, s'il y a la voisine en culotte, tout le monde veut la voisine en culotte. Hein. Voilà, donc c'est un peu le tube, donc c'est le nom de l'album, La voisine en culotte. Et oui, bon, je trouve que c'est une très bonne chanson. Je trouve que elle plaît beaucoup et voilà, c'est la voisine en culotte, quoi. Mais est-ce que tu voulais que les chansons se tiennent un peu comme une histoire? Non, pas du tout, non. C'est des personnages différents dans chaque chanson? Non, c'est juste des chansons qui sont, que moi j'ai trouvé intéressantes à mettre dans un premier EP. Je trouvais que c'était c'est une carte de visite, ouais. Après, j'ai mis Flirt avec la drogue, qui est ma seule chanson vraiment lente. Okay. Et qui, pour moi, est un sujet fort. En plus, elle fait, je crois qu'elle fait à peu près 5 minutes. Oh. Donc elle est assez longue. Ouais. J'ai beaucoup de gens qui ont écouté l'EP qui m'ont dit que c'est leur préféré. Les retours sont bons. Ouais, cette chanson. Ouais. La voisine en culotte aussi, d'ailleurs, hein, forcément. Ouais, l'amour, ouais, j'en ai qui aiment vraiment. C'est la première chanson, elle flash un peu. Et la dernière, je vous laisse, à mon avis, c'est la chanson qui est un peu plus pop, un peu plus grand public. Okay. Qui est peut-être plus accessible aux ondes radio nationales. Ouais, mais pas sûr, parce que la voisine en culotte, elle peut très bien cartonner, même où est l'amour. Mais Flirte avec la drogue, je pense qu'elle passera, elle passera pas, parce qu'elle est, elle est trop longue, et puis voilà, le sujet est un peu... Et peut-être un peu, et peut-être un peu profond, ouais. Et donc, es-tu contente du son que ça donne une fois que tout ça est terminé? Ah oui, moi je trouve que vraiment l'EP, moi je l'aime beaucoup, ouais. Ah ouais, moi je le trouve très beau, quand je l'écoute, je suis très satisfaite, je te dis, quand je l'écoutais, je me suis dit, mais bon sang, mais en fait, c'est pas juste une maquette, c'est autre chose. C'est une maquette professionnelle. Ouais, c'est ça, ouais. Disons que c'est une maquette professionnelle. Ouais. Si je vous ai bien compris,